Fantôme Super THP. Check this out, damn. Bas étage en ligne pour décompresser. Je viens pour composer. Fantôme THP, check nous bien aller. On est dans le Québec. Ici, t'y fais fret. Fait que t'as sucre, faut que t'a mettre. Il fait pas chaud. Check le son, les gros. Check le flow, le gros. Tasse le shit, puis on bourre. La force aussi puissant que la foudre au ciel écoute. Quand je te touche, tu boudes. Quand je rappe, ça frappe. 7-4, c'est ma baraque. Fait que tabarnak. Viens pas faire ton pape chez nous. Ça me rend fou de voir des rats d'égout. Puis si tu rentres chez nous, ben je vais t'en retourner chez vous depuis mon enfance. Je m'inspire mes connaissances. J'écoute ce que tu lances. Et non, ta performance, dis-moi ce que tu penses. Puis rends-toi à l'évidence. Avec une telle cadence, le temps s'est défié. Ce que j'ai fait, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai pour verbaliser. THB blasté, viens dédicacé. Toutes les clics, toutes les crews pour représenter. Stock le shit, stop les fights, mes lyrics tight. Viens de mort, right, ça c'est alright. Quand on bosse, c'est all night. Roule le bat, touch the sky tonight. Bas étage, bas étage, fuck le signe de la bite. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, dans le Québec. On représente la fleur de l'Est. Dans le système fucké, je traitais comme un étranger, comme un dérangé. Faut tout qu'on se bat pour pouvoir s'arranger. Quand j'ai tout ce qu'il me faut, y'a. J'poffe, poffe le smog. Pour oublier shit, des gars comme moi consomment de la drogue. J'dédicace mon real shit au real click. Anyone. Quand j'débarque pis j'clique mon rap, yo, j'clique le gun. Non, c'est pas fini, ça fait rien. Frappe mon build pour présenter. Dans le monde tout entier, des master ghost track pour tenter. Là j'magane tes pensées, pis c'est pas pour mettre un stop. Le drame est déjà commencé, ça s'amorce avec des glocks. Ça fait longtemps qu'on est pas cette tête dans le secteur merdique. Hey, y'a un bout de temps, rue Saint-Paul pis Merdioville. C'est tellement sick, les petits mondes se transforment en soldats. Ce qui reste du bien du vice, vite clic, push ta queue grosse. Depuis que le cops existe, le plus important pour eux autres. C'est pas de faire l'équipe, c'est d'être le coach. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, la section nordique. Bas étage, yo. Bas étage, dans votre bloc. On représente la fleur de pas. Je représente les vrais MC disciples now. Bas étage, section nordique.